de Pierre Corneille. Que la vérité parle au dedans du cœur. Parle, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Je dis ton serviteur, car enfin je le suis, je le suis, je veux l'être et marcher dans ta route, et les jours et les nuits. Remplis-moi d'un esprit qui me fasse comprendre ce qu'ordonne de moi tes saintes volontés, et réduis mes désirs au seul désir d'entendre tes hautes vérités. Mais désarme d'éclairs ta divine éloquence, fais-la couler sans bruit au milieu de mon cœur, qu'elle ait de la rosée et la vive abondance et l'aimable douceur. Vous la craignez, hébreux, vous croyez que la foudre, que la mort l'a suivie et dû tout désoler, vous qui dans le désert ne pouviez vous résoudre à l'entendre parler. Parle-nous, parle-nous, disiez-vous à Moïse, mais obtiens du Seigneur qu'il ne nous parle pas, des éclats de sa voix la tenante surprise serait notre trépas. Je n'ai point ces frayeurs alors que je te prie, je te fais d'autres vœux que ces fils d'Israël, et plein de confiance, humblement je m'écris avec ton Samuel. Quoique tu sois le seul qu'ici-bas je redoute, c'est toi seul qu'ici-bas je souhaite d'ouïr. Parle donc, ô mon Dieu, ton serviteur écoute et te veut obéir. Je ne veux ni Moïse à m'enseigner tes voies, ni quelque autre prophète à m'expliquer tes lois. C'est toi qui les instruis, c'est toi qui les envoies, dont je cherche la voie. Comme c'est de toi seul qu'ils ont tous ces lumières, dont la grâce par eux éclaire notre foi, tu peux bien sans eux tous me les donner entières, mais eux tous rien sans toi. Ils peuvent répéter le son de tes paroles, mais il n'est pas en eux d'en conférer l'esprit, et leur discours sans toi passe pour si frivole que souvent on en rit. Qu'ils parlent hautement, qu'ils disent des merveilles, qu'ils déclarent ton ordre avec pleine vigueur. Si tu ne parles point, ils frappent les oreilles sans émouvoir le cœur. Ils sèment la parole obscure, simple et nue, mais dans l'obscurité tu rends l'œil clairvoyant et joins du haut du ciel à la lettre qui tue l'esprit vivifiant. Leur bouche sous l'énigme annonce le mystère. Mais tu nous en fais voir le sens le plus caché. Ils nous prêchent tes lois, mais ton secours fait faire tout ce qu'ils ont prêché. Ils montrent le chemin, mais tu donnes la force d'y porter tous nos pas, d'y marcher jusqu'au bout, et tout ce qui vient d'eux ne passe point l'écorce, mais tu pénètres tout. Il n'arrose sans toi que les dehors de l'âme, mais sa fécondité veut ton bras souverain, et tout ce qui l'éclaire et tout ce qui l'enflamme ne part que de ta main. Ces prophètes enfin ont beau crier et dire, ce ne sont que des voix, ce ne sont que des cris, si pour en profiter l'esprit qui les inspire ne touche nos esprits. Silence, donc, Moïse, et toi, parle en sa place, éternelle, immuable, immense vérité, parle que je ne meure enfoncé dans la glace de ma stérilité. C'est mourir, en effet, qu'à ta faveur céleste ne rendre point pour fruit des désirs plus ardents. Et la vie du dehors n'a rien que de funeste, s'il n'échauffe au dedans. Cet avis écouté seulement par caprice, connu sans être aimé, cru, sans être observé. C'est ce qui vraiment tue, et sur quoi ta justice condamne un réprouvé. Parle donc, ô mon Dieu, ton serviteur fidèle, pour écouter ta voix, réunis tous ses sens, et trouve les douceurs de la vie éternelle en ses divins accents. Parle pour consoler mon âme inquiétée, parle pour la conduire à quelque amendement, parle afin que ta gloire ainsi plus exaltée croisse éternellement.